se faire un morceau en mixolydien. Hein. J'arrive pas à dire un mixolydien. Non mais on a changé de tempo là. Pour faire plaisir à Bilos, mon prof. Mon prof numéro 2. Bon bah y a la boîte à riz qui veut pas travailler. Ça vous dit ? Merde, c'est mi à vide et après troisième, deuxième case. Ça doit être ça si je fais pas d'erreur. C'est ça, hein ? C'est ça, prof ? Ouais, ça fait un peu arabe, ouais. Peut-être que je monte un peu plus haut dans la gamme, mais c'est Bilos qui m'a pris cette gamme, c'est du La Mixolydien. Oh, Fausse note. Non, parce que après, il faut peut-être aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Go! Alors, le A phrygien.